22h02:30 à la pendule de Radio Béton. On va attaquer l'aspect française et, oh surprise, l'aspect française, on va l'attaquer avec un focus. Et avec un focus sur du black metal français. Oh, voilà, la surprise est totale, la stupéfaction. Ouais, la stupéfaction saisit l'assemblée. Non, mais c'est encore très très difficile là pour le coup. Avec deux sorties comme ça, c'était pour moi très difficile de passer à côté. Là, je pense qu'on va passer un bon moment sur ce groupe parce que ça a été vraiment pour moi la sortie de l'année en termes de black metal, en tout cas en termes de black metal français, parce que ça a été assez surprenant de les voir arriver et aussi violemment dans ma gueule. Du coup, on va du côté de Worms, le groupe orléanais qui sort là son 4e album. Ils ont sorti donc leur tout premier album en 2010. Alors là, c'est là où j'écorche tous les noms, que ça va être génial. Ashanstis, Rêve et Peine d'un misanthrope. C'était déjà un très bon album. Moi, ce que je lui reproche, celui-là, globalement, c'est génial, hein, toute la discographie est assez monstrueuse du groupe. Là, ce que je lui reproche, c'est que je suis vraiment pas fan du chant du tout premier chanteur du groupe. Je trouve qu'il a un chant très très aboyé, très presque punk dans son timbre et tout, et ça me gêne un petit peu. Mais globalement, ouais, le reste est excellent. On enchaîne en 2013 avec Morcar Sitoric, Les Six Chemins du Crépuscule. Pour moi, c'est dans la continuité de l'album précédent. Il est meilleur, je trouve. Et bah, excellent comme le reste de la discographie. C'est peut-être celui vers lequel je vais le moins régulièrement. Personnellement, j'écoute surtout l'album de 2018, Altus Kronor, La Monarchie Purificatrice. Pour moi, le groupe il passe vraiment une étape à ce moment-là dans sa discographie. Et l'arrivée du nouveau chanteur, pour moi, qui est vraiment la grosse différence notable dans le travail du groupe. Et donc, on arrive sur cet album qui vient de sortir, Sacral Lumenor, La Lueur contre les Fléaux. Ouais, comme je le disais en intro, moi clairement ça a été la claque de ouf, cet album. Le meilleur album du groupe pour moi, ouais, la meilleure sortie black metal de l'année, en tout cas en termes de black français. Faut savoir qu'à l'origine Worms c'est un projet solo donc de Ted qui l'a créé en 2007. Ça dérivera très rapidement vers un groupe parce qu'il y aura une formation d'un line-up en 2008. Que dire sur le groupe? Ils sortent là l'album, il est signé chez Purity by Through Fire, donc label français, si je dis pas de bêtises. J'ai pas noté, mais pour moi c'est un label français. Tu vas peut-être pouvoir me confirmer. Je suis en train de choper d'autres infos et j'arrive dessus sur le complément. Ok, ça marche. Pas du tout, c'est un label allemand. Allemand, voilà. J'ai très très mal noté, c'est parfait, j'ai encore bien bossé. Encore une fois là, je vais m'arrêter sur la pochette rapidement parce que je la trouve encore une fois très réussie. Tout le style du groupe est en noir et blanc. Alors je trouve, pour moi la plus jolie ça a été la toute première, je la trouve vraiment superbe comme pochette. Mais la nouvelle est assez réussie quand même, et ouais, ça crée vraiment une espèce de cohérence sur l'ensemble de l'œuvre du groupe. Côté musique, c'est toujours plus quoi. Déjà toujours plus mélodique, je trouve que je pense que la qualité de l'enregistrement en fait elle joue énormément dans l'album, parce que on a vraiment cet aspect mélodique qui ressort, et pourtant on a toute la rythmique qu'on arrive à entendre, notamment la basse qu'on a vraiment plaisir à pouvoir écouter pendant l'album. Et globalement c'était cette espèce de, enfin pour le style de Williams, c'est une espèce de crasse noble qui ressort de leur album, et c'est typiquement la French Touch du black metal quoi, ce côté dégoulinant. Mais à côté, il y a quelque chose de très classe qui s'en dégage. Et clairement, la langue française dans le chant, dans les morceaux, apporte énormément pour moi dans cet univers-là. Voilà. Est-ce que tu veux dire un petit mot, toi ? Alors, du coup, au niveau... Tu parlais... Je suis allé vite. Hein. Non, mais très bien. Sur l'aspect line-up, donc effectivement, le premier chanteur sur le premier album. En fait, là, le nouveau chanteur, c'est Ted, en fait, juste, qui maintenant s'occupe du chant en plus de tout le reste. C'est une bête, ce bonhomme, hein, en termes de production, la qualité et c'est viscéral, tout simplement, Worms. C'est ce qui, je pense, permet d'atteindre cette qualité à tous les niveaux. Parce qu'on est sur du black qui, en termes d'ambiance, etc., se veut crasseux, morbide et froid. Et sauf que, bah, comme tu l'as dit, notamment par rapport au son de basse, tout est hyper soigné. Donc, travail énorme autour de la musicalité, travail énorme autour de la production, travail énorme autour du lyricisme de Worms. Voilà, faut pas perdre de vue que le black metal français, quand il atteint ses sommets de qualité, c'est toujours rehaussé en termes de valeur par un chant français, particulièrement quand les paroles sont soignées. Et le petit bonus, c'est quand c'est compréhensible. Ouais, complètement. Bah, tu prends vraiment plaisir, même pendant l'album. Alors, moi, j'ai pas tout, parce que je pense qu'en ayant le texte, tu pourrais vraiment avoir l'ensemble du truc. Et puis, j'imagine que, comme beaucoup de groupes, ils utilisent beaucoup de mots en vieux français ou des choses comme ça. Voilà, j'allais dire, on peut faire un petit parallèle avec un Auriax, Nopfer, etc., dans la manière dont ça va être abordé et travaillé. Ouais, ouais, complètement. Mais globalement, ouais, puis t'as une espèce de mélancolie globale qui ressort de l'album au niveau de ce que tu ressens. Et comme tu disais, c'est sale et pourtant c'est précis, et tu l'as même dans tout ce qui est la gratte, la lead, qui est incisive comme jamais, tu la sens, toi, vraiment, la gratte, elle te fait vibrer de ouf, c'est épique, ça t'entraîne. Et du coup, leur volonté qui est transmise de manière viscérale se transmet au trip de l'auditeur. Alors, quand on y est sensible, quand on prend le temps de l'écouter... cet album de Worms, voilà, on peut l'apprécier en l'écoutant comme ça, de manière assez volage, je dirais, mais ça se prend au casque. Ouais, complètement. Voilà. Ça fait partie de ces sorties d'albums. Je sais pas s'il y a une version vinyle, mais voilà, le petit crunch du vinyle, la froideur du support vinyle va venir rajouter encore à la qualité sonore globale, sans venir la dénaturer, au contraire. Mm-hmm. Ah, tout à fait. Je fais un peu la promo. Je te rejoins complètement sur ça. Voilà, c'est pour un petit morceau. Eh ben, complètement. Worms, du coup, tu as choisi le morceau de ce soir. L'envoyer des flammes. Pour moi, c'est le morceau qui a été, tu sais, le wow, ok. on reviendra dessus après, parce que il y a plein de choses à dire sur le reste de l'album. Mais ouais, c'est pour moi le morceau le plus mélancolique et celui qui te met une claque vraiment pendant l'écoute. Voilà, on vient de s'écouter un titre du nouvel effort studio de Worms dans le cadre du deuxième focus de ce soir. Quelques petites choses à ajouter éventuellement ? Non, globalement, juste ressouligner la richesse de l'ensemble du projet. T'as vraiment, un peu, je reviens sur ce qui a été dit sur Gaera parce que j'ai ressenti vraiment la même chose. T'as cette espèce de globalité qui est hyper cohérente et après t'as chaque morceau qui a son identité, qui a son propre petit truc. Il y a un espèce de travail monumental derrière, quelque chose de très perfectionniste dans ce qui est proposé. Et en vrac, parce que tu peux pas tout relever, mais t'as des passages avec des chœurs, avec de la flûte, t'as de la gratte acoustique, t'as des sons de cloche à certains moments. Il y a énormément d'instruments différents, il y a énormément d'ambiances différentes qui se dégagent. Et pourtant, tu prends un album qui est cohérent du début à la fin. Tu le vois pas dérouler, l'album. T'arrives à la fin, tu fais ah, c'est fini. Et ouais, moi j'ai vraiment incroyable. Enfin, vraiment un album que j'ai trouvé viscéral, percutant, mélodique, mélancolique comme il faut. Et je l'attendais pas, quoi. C'est vraiment là, j'ai pris une claque de nulle part. C'était vraiment super beau travail. Et ben voilà, les présentations sont faites. Foncez l'écouter, foncez vous le procurer. Et puis appréciez-le autant que. Que toi, ouais, on va dire. On enchaîne toujours dans l'aspect française avec une autre nouveauté, Sun Eater. Alors ça nous vient du nord de la France. C'est un one man band dans le death, le modern death, tout ça. C'est assez courant de retrouver ça du côté de l'Asie. Et ben là ça nous vient de France, du Grand Est. Et je dirais que j'ai dit un peu le Nord, parce que le mec est issu de Embrace Your Punishment, le groupe de Slamming Deathcore du Nord de la France. Donc il s'agit de Clément, qui est pour le coup le batteur de Embrace Your Punishment, qui a monté Sun Eater il y a quelques années. C'est tout récent, hein, 2019. Après deux EP, il sort là son premier album longue durée, sobrement intitulé Vermine. Un visuel plutôt propre, soigné, lumineux, avec toujours une espèce de grosse bestiole en plein milieu. Musicalement, on est sur quelque chose donc du tech death un peu brutal, un peu moderne. Une sortie cependant chez Miasma Records. Pour une première grosse sortie d'album, c'est plutôt coolos comme signature. Sun Eater, donc. Et en doublette, on va s'écouter les Poitevins de The Necromancer, le groupe de occulte hard rock qui nous sort son nouvel effort studio, le troisième, Where the Void Roses. Nouvel effort studio déjà disponible. On s'écoutera le titre The Needle. Et juste avant ça, donc Sun Eater, le titre de Harbinger. C'est parti. La suite, l'ami Thibaut va aller prendre le micro et puis ça va nous permettre une petite annonce de concert, puisque là on est sur une doublette de nouveautés, toujours dans l'aspect française, avec tout d'abord Gorgone. Alors, des formations Gorgone en France, on en a au moins 3. Là, il s'agit de la formation francilienne qui, il y a quelques années, nous faisait un espèce de moderne metal assez proche du deathcore metalcore et qui a bien évolué vers un espèce de black death, toujours, quoi qu'il en soit, inspiré des mythologies gréco-romaines. Ils nous sortent là un 4e album studio, Fulgur Imperii. C'est très prenant, Gorgone, c'est assez grandiose dans les inspirations. Voilà, ça s'écoute vraiment très très bien. Une sortie MEO Music, on s'écoutera le titre Father of a Coming God. Et en doublette, on écoutera un de tes petits groupes que tu aimes bien. Birds in Row. Oui, que j'ai vu il y a même pas une semaine, du coup. Parce qu'ils étaient à Nantes. Avec une boîte de Kleenex. Exactement, ils étaient à Nantes en ouverture de Cult of Luna. Ils viennent où ils vont, j'ai plus la date de la sortie, mais ils viennent où ils vont sortir un nouvel album, où ils ont déjà publié 3-4 morceaux même, je crois. Donc Burns in Row, ouais, très très bon album. Ça s'éloigne un petit peu de ce que j'ai eu l'habitude d'écouter d'eux, en tout cas dans leur début, mais c'est vraiment ultra quali. Et surtout en live, là en fait ils ont axé le live avec quasiment que les nouveaux morceaux. Ils ont joué très très peu d'anciens morceaux pendant le live et c'était assez c'était assez prenant, c'était bien branlé et tout. Et bon, ils étaient un peu crevés parce qu'ils venaient de rentrer de Porto la veille, ils étaient rentrés de Porto, le chanteur il avait le dos bloqué, enfin, c'était un peu des conditions où ils étaient épuisés, mais ils ont quand même donné beaucoup d'énergie et j'espère les revoir bientôt en live. C'est l'occasion de faire une petite glissade. C'est comme si c'était fait exprès. Oh, c'est beau. Mais ouais, du coup, Burns in Row, ils seront en concert à Tours le 25 novembre. Ils seront accompagnés de Orbel et de Augustine, donc Feu Nesseria. Exactement. Ça se passera au Bateau Ivre, c'est le 25 novembre. Et qu'est-ce que je voulais noter? Est-ce que j'ai le prix sous les yeux? 10-12 balles, un truc comme ça. 10 balles en prêve, 12 en. Voilà. 12 sur place. Musicalement, voilà. À quoi on s'attend quand on écoute du Burns in Row? Du post-hardcore, du screamo post-hardcore, quelque chose de joyeux où t'as pas du tout envie de pleurer pendant tout le concert. Non, c'est vraiment plein d'émotions, c'est globalement c'est hyper viscéral et puis il y a une espèce de bienveillance sur scène qui fait que tu te sens. Enfin, moi je me sens vraiment dans ce concert-là et ça a été l'équivalent pendant le concert de Cult of Luna où tu te sens vraiment dans un espace où tu te sens protégé, tu sais. Et il y a un grand partage, enfin, globalement t'as le groupe partage énormément de choses avec le public, ça, c'est vraiment excellent et musicalement c'est très très riche, t'as plein de choses, enfin, t'as une belle évolution dans leur carrière. Le début était plus proche d'un hardcore screamo et au fur et à mesure tu vas dériver vers quelque chose d'un peu plus post et tout ça, enfin, vraiment j'ai pas encore écouté l'album en entier du coup, mais les morceaux qui sont proposés, ouais, sont vraiment excellents. Et visuellement, au niveau de l'artwork, toujours une passion avec une mise en amont sur les doigts et la main. Nouvel effort studio donc de Burns in Row, Gris Klein, que l'on pourra découvrir en live prochainement en Touraine, donc comme tu viens de le dire, le 25 novembre. Et on s'écoutera le titre Water Wings. C'est parti, Gorgone, puis Burns in Row. We'll La suite et la clôture de l'aspect française de ce soir, il y a encore une nouveauté dedans, mais avant d'y arriver, on va s'écouter Kainan Down, formation qui nous vient de Chambéry, qui nous fait du black. Ils sortent là leur nouvel effort studio, quatrième album, Lagu. Ce nouvel effort de Kainan Down est déjà dispo via Osmose Productions, et en doublette avec eux, donc dernière nouveauté dans l'aspect française, Nuit d'encre, issue de multiples inspirations. Ça va taper aussi bien du côté d'un Crowbar que d'un Cult of Luna, donc on est sur quelque chose de grosse inspiration sludge post-metal avec un petit peu de doom dedans. Voilà, au niveau du master, on retrouve Magnus Lindberg, bien sûr, de Cult of Luna. Et au niveau du mix, voilà, ils sont passés par des un type qui a bossé notamment avec Freytot, qu'on a diffusé il n'y a pas très longtemps, un groupe de death français. Plutôt cool, death un peu grindcore, si mes mémoires sont exactes. Voilà donc, Kaina Dawn, on va s'écouter le titre de Septima, Nuit d'encre, Lettre morte. Et l'album s'appelle De l'autre côté. Allez, on sort de l'aspect française, 22h54 à la pendule de Radio Béton, bientôt 55. Il nous reste encore 4 doublettes à s'écouter, donc on est ensemble pendant encore une petite demi-heure. On attaque tout de suite avec une nouvelle doublette, avec une nouveauté dans la doublette, mais tout d'abord Acephalix, formation qui nous vient des States, qui de base nous faisait un peu du Death Crust et qui maintenant nous fait du Death un peu crado. Théo Thanatology, c'est le nom de leur quatrième album studio, une sortie, coucou c'est nous, 20 Buckspin Records, voilà, un des tout meilleurs labels underground de ces dernières années, du moins nous en termes de ressources pour vous diffuser des trucs ultra cool. Et en doublette avec Acephalix, Black Widows. Pour la petite histoire, c'est une formation qui nous vient du Portugal, active depuis 1995. Et en fait, c'est la première formation portugaise composée intégralement de femmes. Musicalement, qu'est-ce que on peut y retrouver des grosses inspirations gothic metal, mais assez proches du dark metal, c'est-à-dire qu'on a une base gothique avec des éléments metal extrêmes. Alors, le parallèle est assez facile en plus à faire avec ce que peut nous proposer un Moonspell, bien évidemment qui en plus sont portugais, mais c'est juste là que va s'arrêter le parallèle, hein, le côté dark gothique. Et une chanteuse qui arrache méchamment un panel vocal ultra large et qui va aussi bien dans les ambiances sombres, presque doomesques, vers quelque chose de très extrême, à la limite du Black Death. Donc voilà, Among the Brave Ones, c'est le nom de ce seulement second effort studio. Presque 20 ans sans aucune sortie studio pour la formation portugaise Black Widows. Et voilà, nouvel effort studio longue durée, donc une sortie prévue pour le 21 octobre, c'est donc encore une avant-première. Innards of Divinity, le titre de Acephalix, Black Orchid, le titre de Black Widows.